Je circule sur une chaussée à trois voies de circulation à sens unique. Ce camion, comme tous les véhicules de plus de 7 mètres de long ou de plus de 3,5 tonnes, ne peut emprunter que les deux voies de droite. Même avec son clignotant gauche allumé, ce camion ne viendra pas dans la voie où je circule. Je peux donc poursuivre le dépassement en toute sécurité. Réponse A.